Chapitre 4. Le lieutenant ouvre enfin les yeux. Il fait clair et tout est calme autour de lui. On sent le vinaigre, la menthe. Au-dessus, à droite, à gauche, quelque chose de blanc l'enveloppe. Il regarde, il examine. Ce sont les rideaux d'un lit. Il veut soulever la tête. Impossible. La main, impossible également. Qu'est-ce que cela signifie? Il baisse les yeux. Un long corps est étendu devant lui, caché sous une couverture en laine grossière avec des bandes brunes aux deux bouts. Ce corps, vérification faite, est le sien même. Il essaye de pousser un cri, rien ne sort. Il essaye de nouveau, il rassemble toutes ses forces. Une espèce de son décrépit tremblote sous son nez. Des pas lourds se font entendre, une main écarte le rideau. Un vieil invalide vêtu d'une redingote militaire apiécée se tient devant le lieutenant. Tous deux semblent diversement étonnés. Une grande cruche d'étain vient s'appliquer sur les lèvres du lieutenant, qui boit de l'eau fraîche avec avidité. Sa langue se délie. « Où suis-je ? » L'invalide le regarde une seconde fois, s'éloigne et revient avec un autre homme en uniforme. « Où suis-je ? » répète le lieutenant. « Allons, il n'en mourra pas, » dit l'homme en uniforme. « Vous êtes à l'hôpital, » reprit-il à voix haute. « Mais il ne faut pas parler. Taisez-vous et dormez. » Le lieutenant va s'étonner encore, mais il retombe dans le néant. Le lendemain, apparut le médecin de l'hôpital. Yergunov avait repris ses sens. Le docteur le félicita de sa guérison et commanda que l'on changeât les bandages qui enveloppaient sa tête. « Comment la tête? Est-ce que j'ai quelque chose ?»« Vous ne devez point parler, » interrompit le docteur, « ni vous agiter. Restez tranquille et remerciez le Très-Haut. Où sont les compresses, Popov ?»« Mais l'argent, l'argent de la couronne. » »« Allons, voilà qu'il délire de nouveau. » « De la glace, Popov, encore de la glace !» Une semaine se passa. Le lieutenant était assez remis pour qu'on crût pouvoir lui révéler ce qui lui était arrivé. Voici ce qu'il apprit. Le 16 juin, à 7 heures du soir, avait eu lieu sa dernière visite chez Madame Fritsch, et le 17, vers l'heure du dîner, c'est-à-dire presque 24 heures plus tard, un berger l'avait trouvé dans un ravin, près de la grande route de Kherson, à 2 verstes environ de Nikolaïev, sans connaissance, la tête fendue et des taches bleuâtres autour du cou. Son uniforme et son gilet étaient déboutonnés, toutes les poches retournées. Son shako et sa dague avaient disparu, ainsi que sa ceinture de cuir. À en juger par l'herbe foulée, par une large trace laissée dans le sable et la terre glaise, le lieutenant avait dû être traîné de la route jusqu'au fond du ravin et là seulement, on l'avait porté sur la tête un coup avec une arme tranchante, peut-être avec sa propre dague. En effet, sur toute la trace, il ne s'était pas vu une seule goutte de sang, tandis qu'autour de sa tête, il s'en était trouvé toute une mare. Les assassins avaient dû d'abord lui faire perdre connaissance, puis essayer de l'étrangler. Ensuite, l'ayant porté hors de la ville, il avait porté le dernier coup au fond du ravin. Le lieutenant n'avait échappé à la mort que grâce à son tempérament de fer, car il n'avait repris connaissance que le 23 juillet, 5 semaines après l'événement. Yergunov fit immédiatement son rapport à l'autorité, raconta par écrit et verbalement toutes les circonstances du malheur qui l'avait frappé, et indiqua clairement la maison de Madame Fritsch. La police y courut, mais n'y trouva plus personne. Les oiseaux avaient déjà quitté le nid. On empoigna le maître de la maison, on le traîna devant la justice. On ne put tirer grand-chose de cet homme, bourgeois de la ville, extrêmement vieux et non moins sourd. Il habitait lui-même un autre quartier de Nikolaïev, et tout ce qu'il savait, c'est que 4 mois auparavant, il avait loué sa maison à une juive pourvue d'un passeport et nommée Schmoul ou Schmoulke, et qu'il l'avait, selon son devoir, immédiatement déclarée à la police. Une jeune fille, ajouta-t-il dans sa déposition, également pourvue d'un passeport, était venue rejoindre la vieille juive. Quel était le métier de ces femmes? Il n'en savait rien. Avait-elle d'autres locataires? Il ne le savait pas davantage. Et quant au petit garçon qui avait été le gardien de sa maison, il était parti pour Odessa, ou pour Pétersbourg, ou pour toute autre ville. Le nouveau gardien n'était entré en fonction qu'au 1er juillet. On fit alors des recherches sur les registres de la police et des investigations dans le voisinage, et l'on apprit que la Schmoulke, avec sa compagne, dont le vrai nom paraissait être Frederica Bengel, avait quitté Nikolaïev vers le 20 juin pour une destination inconnue. Quant à l'homme mystérieux, à la mine de bohémien et aux 3 boutons d'argent, ainsi que la fille étrangère au teint basané et à la grosse tresse de cheveux, personne ne les avait vus ou personne n'osa l'avouer. Dès que le lieutenant put sortir de l'hôpital, il alla revoir lui-même la maison qui lui avait été si fatale. Dans la petite chambre où il avait eu ses causeries avec Colibri et qui sentait encore l'odeur du musc, on avait découvert une autre petite porte contre laquelle, à sa seconde visite, avait été adossé le sofa et par où, selon toute vraisemblance, était entré l'assassin. Le lieutenant présenta aussitôt une supplique en forme. L'enquête commença. Une foule d'ordonnances portant les numéros de leur série fut rendue et communiquée dans toutes les directions. Une foule de réponses également numérotées revinrent en temps et lieu, mais ce fut tout. Les personnes suspectes avaient disparu, ils avaient l'argent de la couronne, s'élevant à 1917 roubles et plusieurs copecs, somme assez importante à cette époque. Pendant 10 années, le malheureux lieutenant subit des retenues pour restituer la somme, jusqu'à ce qu'enfin il eut la chance d'en acquitter le reliquat à la faveur d'une amnistie qui étendit sa grâce sur lui. Dans les premiers temps, il était resté fermement convaincu que la cause de tout le malheur, que la tête de la conspiration ourdie contre lui avait été Émilie, sa perfide Zuckerpüppchen. Il se souvenait que le jour de sa dernière entrevue avec elle, il s'était imprudemment endormi sur le sofa, qu'à son réveil il avait remarqué le trouble de cette femme, et que le soir même, il avait découvert cette fente faite à sa ceinture, évidemment avec les ciseaux qu'elle avait cachés dans sa poche. « Elle a tout vu, » se disait-il. « Elle l'aura dit à cette vieille diablesse et à ces deux autres démons. Elle m'a tendu un piège en m'écrivant cette lettre et je me suis livré. Mais qui aurait pu s'attendre à cela d'elle ?» Alors il se représentait le bon et joli visage d'Émilie, ses yeux clairs et riants. « Oh, femme, femme !» répétait-il en grinçant des dents, « race de crocodile !» Mais lorsqu'il eut quitté définitivement l'hôpital pour entrer dans ce logement, il apprit une circonstance qui dérouta complètement ses conjectures. Le jour même, on l'avait ramené dans la ville, plus qu'à demi-mort, une jeune fille, qui d'après tous les signalements donnés était le propre portrait d'Émilie, était accourue tout en larmes et les cheveux épars à la maison du lieutenant, d'où, ayant demandé des nouvelles à son brosseur, elle était partie comme une folle pour l'hôpital. Là, on lui dit que le lieutenant ne passerait pas la journée. Il disparut aussitôt en se tordant les bras et en donnant tous les signes du plus violent désespoir. Il devenait donc évident qu'elle ne s'était point tendue à l'assassinat. Ou bien l'aurait-on trompée elle-même? N'aurait-elle point reçu sa part? Le remords se serait-il éveillé en elle? Et pourtant, elle avait quitté Nikolaïev avec cette abominable vieille qui devait certainement être au courant de tout. Le lieutenant ne savait que penser, et il n'ennuya pas peu souvent son brosseur en lui faisant répéter le signalement de la jeune fille et les paroles qu'elle lui avait dites. 18 mois plus tard, le lieutenant reçut d'Émilie, alias Frederica Bengel, une lettre en allemand qu'il se fit traduire aussitôt et que depuis il nous montra plus d'une fois. Elle était tout émaillée de fautes d'orthographe, mais surtout de points d'exclamation. L'enveloppe portait le timbre de Breslau. En voici la traduction à peu près fidèle. « Mon cher et incomparable Florestan, monsieur le lieutenant Jorgenhoff, combien de fois me suis-je juré de vous écrire et toujours, à mon grand regret, j'ai remis, quoique l'idée que vous puissiez me tenir pour complice de ce crime affreux ait toujours été pour moi la plus affreuse pensée. Oh, mon cher monsieur le lieutenant, croyez-moi, le jour où j'appris que vous étiez sain et sauf a été le plus beau jour de ma vie. Mais je ne puis prétendre à me justifier complètement, je ne veux pas mentir. C'est moi, en effet, qu'ai découvert votre habitude de porter votre argent sur votre estomac. Du reste, dans nos contrées, tous les bouchers et marchands de bestiaux font de même, et j'ai eu l'imprudence d'en parler. J'ai même dit, comme par plaisanterie, qu'il n'y aurait pas grand mal à vous prendre un peu de cette somme. La vieille sorcière, oh, monsieur Florestan, elle n'était pas ma tante, entra immédiatement en conspiration avec ce monstre impie de Luigi et son autre complice. Je vous jure, sur le tombeau de ma mère, qui était une honnête femme, pas comme moi, que j'ignore jusqu'à présent quels étaient ces gens. Tout ce que je sais, c'est que lui se nommait Luigi et qu'ils étaient arrivés tous deux de Bucarest, et que c'étaient certainement de grands criminels, car ils se cachaient de la police, ils avaient de l'argent et des objets précieux. Ce Luigi était un terrible personnage. Tuer son semblable n'était rien pour lui. Il parlait toutes les langues, et c'est lui qui a écrit ma lettre. C'est lui qui a recouvré les objets volés par la cuisinière. Il pouvait tout faire, tout. C'était un terrible personnage. Il a persuadé à la vieille qu'il ne ferait que vous étourdir un peu en vous donnant une certaine boisson, qu'ensuite il vous emmènerait hors de la ville et dirait qu'il ne sait rien, que c'est vous qui aviez pris un peu trop de vin. Mais le scélérat avait déjà dans l'esprit qu'il valait mieux vous faire un mauvais parti pour qu'après aucun coq n'en pût rien chanter. Il écrivit cette horrible lettre, et la vieille m'éloigna par ruse, et je puis dire par force. Je ne soupçonnais rien, j'avais une peur horrible de ce Luigi qui me disait « Je te couperai le cou comme à un poulet !» Et en disant cela, il remuait si affreusement ses moustaches. Et voilà comment, par ruse, on m'a emmené dans une certaine société. Oh, monsieur Florestan, j'ai bien honte, et je pleure des larmes bien amères, car il me semble que je n'étais pourtant pas né pour un semblable métier. La pensée que j'avais été jusqu'à un certain point la cause de votre malheur m'a rendu presque folle. Et pourtant, je suis parti avec ces gens-là, car si la police nous avait découvert, que serais-je devenu? Mais bientôt je les ai quittés tous, et quoique maintenant je vive dans la misère, souvent sans un morceau de pain, mon âme est tranquille. Ne me demandez pas pourquoi j'étais venu moi-même à Nikolaïev, je ne pourrais répondre. J'ai prêté un serment terrible. Je finis ma lettre par une supplication, monsieur Florestan, de grâce. Si jamais vous pensez à votre pauvre petite amie Émilie, ne pensez pas à elle comme à une noire scélérate. Le Dieu éternel voit mon cœur en ce moment. J'ai une mauvaise moralité et je suis légère, mais je ne suis pas méchante. Et je vous aimerai toujours, mon incomparable Florestan, et je vous souhaiterai toujours ce qu'il y a de meilleur sur ce globe terrestre. Si ma lettre parvient jusqu'à vous, écrivez-moi quelques lignes pour que je sache que vous l'avez reçue. Vous rendrez par là très heureuse votre fidèlement dévouée, Émilie. P.S. Je vous écris en allemand. Je n'aurais pas pu exprimer en une autre langue tous les sentiments qui m'oppressent, mais vous pouvez m'écrire en russe. Eh bien, lui avez-vous répondu, demanda-nous au lieutenant. J'en ai eu souvent l'intention, mais comment écrire? Je ne sais pas l'allemand, et quant au russe, quoi qu'elle en ait dit, il eût fallu se le faire traduire. Alors vous comprenez, cette correspondance, la dignité de l'épaulette. Enfin, je n'ai pas écrit. Et chaque fois qu'il achevait son récit, le lieutenant Yergunov hochait la tête, poussait un soupir. Voilà, disait-il, ce que c'est que la jeunesse. Et si parmi les auditeurs il se trouvait un novice qui entendait raconter pour la première fois la célèbre aventure, il lui prenait la main, la posait sur son crâne et lui faisait tâter la cicatrice de sa blessure. Elle était énorme, en effet, et s'étendait d'une oreille à l'autre. Ainsi s'achève l'aventure du lieutenant Yergunov par Ivan Tourguenieff.